Chapitre 26e. L'homme qui époussetait ses bottes avec son mouchoir. Après trois lettres écrites à Harry sans un seul mot de réponse, Florence Burton commença à se sentir inquiète et malheureuse. Il n'avait reçu la dernière de ses lettres qu'après la scène que nous venons de raconter, et n'ayant pas le courage de la lire, il l'avait gardée dans sa poche sans l'avoir ouverte. Mais Florence était malheureuse, mais non encore jalouse. Elle n'était pas naturellement portée à la jalousie. Aussi, ses inquiétudes avaient-elles pris une direction toute différente. « Il devait être malade, » pensait-elle, « ou sinon avoir quelques troubles d'esprit, dont il ne pouvait lui expliquer la cause. » Elle se rappelait à cette occasion combien elle avait mis d'obstination à ne pas lui céder au sujet de leur mariage, et se reprochait de ne pas être auprès de lui pour le consoler. Ah, s'il pouvait quelque chose pour lui, elle ne s'obstinerait plus. Quand la troisième lettre fut restée sans réponse, elle écrivit à sa belle-sœur, Mrs. Burton, avouant son inquiétude et demandant à elle des secours. Il était impossible que Cécile n'eût pas l'occasion de le rencontrer, à défaut de quoi elle était maîtresse de le voir. En tout cas, Théodore le pouvait, car sans doute Harry venait au comptoir. Mais si Harry avait quelque peine, Cécile dirait-elle toute la vérité? Cécile, en effet, quand elle put se douter qu'il y avait quelque chose, ne trouva pas si facile de dire à Florence toute la vérité. Mais si Florence n'était pas jalouse, on l'était pour elle à Stratton. La vieille Mrs. Burton s'inquiétait et se sentait toute disposée à arracher les yeux à Harry, pour peu que Harry fût infidèle à sa fille. Mais c'était là un malheur que jamais jusque-là elle n'avait eu à redouter pour personne de la couver. Jamais fille à elle n'avait eu à se plaindre d'un homme, ni fils à elle donner lieu à une femme de se plaindre de lui. Ses enfants avaient cheminé dans le monde posément, prudemment, d'un pas toujours égal. Ils n'avaient pas fait de brillant mariage, mais n'avaient éprouvé aucune déception. Elle avait bien autour d'elle entendu parler de malheur. Ici, une jeune fille avait aimé en vain, ailleurs, une autre jeune fille avait dû porter la branche de saule, triste attribut des délaissés. Mais ces chagrins-là n'avaient jamais visité son toit, il était porté à croire, peut-être à dire, que les mères imprudentes en étaient responsables. Si près d'avoir heureusement mené à bien sa tâche maternelle, que serait-ce pour elle si à la fin l'abandon et la misère devaient tomber sur son dernier agneau? Alors la tendre mère se serait changée en brebis enragée. Or, Mrs. Burton avait reçu des nouvelles qui n'étaient pas encore parvenues aux oreilles de Florence. Dans les bureaux de la Delphi se trouvait un M. Wallaker, lequel avait un père occupant chez M. Burton le même pupitre où précédemment Harry avait travaillé. Par Bob Wallaker, Mrs. Burton apprit que Harry, bien que notoirement revenu de Clavering à Londres, n'avait pas reparu dans les bureaux. Et elle apprit aussi que les jeunes gens de l'établissement mêlaient dans leurs plaisanteries le nom de Harry Clavering à celui de cette noble et riche veuve, Lady Ongar. Sur quoi, Mrs. Burton écrivit à son fils Théodore en même temps que Florence écrivait à Cécile. Mrs. Burton, bien qu'elle eût beaucoup d'affection pour Harry, et même à quelques égards, lui donna la préférence sur tous ses gendres, n'avait pu dès l'origine se défendre de quelques appréhensions. Florence était plus distinguée, mieux élevée, plus gracieuse que ses sœurs aînées. Ainsi, il ne paraissait pas étonnant qu'elle eût été demandée en mariage par un homme d'un rang un peu supérieur et de manière plus élégante. Néanmoins, Mrs. Burton ne se sentait pas complètement rassurée. Le rang et l'élégance des manières ne sont pas toujours un sûr garant de la bonté du cœur. Au commencement, elle hésitait à s'avouer elle-même sa vague inquiétude. Mais à mesure qu'il lui vint des soupçons, elle les manifesta non seulement à elle-même, mais aussi à son mari. Pourquoi, hélas, avait-elle laissé s'introduire dans sa maison un homme si différent dans ses manières et ses habitudes de tous ceux qu'elle avait connus pour bons et honnêtes? Quel chagrin pour ses vieux jours qui en seraient abrégés, si malgré toute sa prudence jusque-là favorisée du succès, sa brebis chérie devait un jour revenir au bercail maternel, malmenée, blessée, estropiée. Théodore Burton, quand il reçut la lettre de sa mère, n'avait pas vu Harry depuis son retour de Clavering. Il était déjà assez mal disposé pour lui, à raison de cette absence si prolongée et non motivée. « Il ne fera rien de bon, » disait-il à sa femme. « Il ne sait pas ce que c'est que le travail. » Mais sa mauvaise humeur se changea en aversion déclarée envers Harry et presque en désespoir pour ce qui regardait sa sœur quand il sut que Harry était depuis 8 jours à Londres sans avoir paru à la Delphi. Jusque-là, Théodore Burton n'avait pas entendu parler de Lady Ongar, bien que ces jeunes commis eussent journellement ce nom-là à la bouche. « Ne pourriez-vous pas passer chez lui, Théodore ?» lui dit sa femme. « Rien de plus aisé que de dire, passer chez lui, » répondit-il. « Si c'était mon affaire, il ne me serait pas difficile d'aller chez lui, et si je me mettais en tête de le trouver, nul doute que je n'en vinsse à bout. Mais qui ferais-je? Je puis bien mener un cheval à l'abreuvoir, mais non le faire boire malgré lui. Vous pourriez lui parler de Florence. Voilà bien une idée de femme. Puisque le devoir et l'ambition ont cessé d'avoir aucune action sur lui, croyez-vous qu'avec le seul nom d'une jeune fille, on puisse le remettre sur le droit chemin? Mais si je le voyais, moi, dit Cécile en insistant, vous en êtes libre pourvu que vous puissiez l'attraper, mais je ne vous conseille pas d'essayer. Plus tard arrivèrent deux lettres pour le mari à la femme, qu'ils se communiquèrent réciproquement. Et ce fut alors qu'il leur vint en idée que Lady Ongar, avec sa fortune, pourrait être une cause de malheur pour leur sœur. « Je n'en crois pas un mot !» s'écria Cécile, rouge moitié de honte et moitié de colère. Harry avait toujours été son favori, et elle l'avait déjà pris en affection comme un frère. « Je ne l'aurais pas soupçonné d'une vileté de ce genre-là, » dit Théodore, en prononçant lentement ces paroles. « Il n'est pas vil, » dit Cécile. « Paresseux, étourdi peut-être bien, mais pour vil, non. » « Maintenant, il faut à tout prix que j'aille le trouver, » dit Théodore. « Je ne puis croire chose pareille. Je ne veux pas le croire. Je ne le crois pas. »« Mais si c'était vrai. Oh, Théodore !»« Je ne pense pas que ce soit vrai. Ce n'est pas là l'espèce de faiblesse que j'ai remarquée en lui. Il est faible et vain, mais j'aurais répondu qu'il était loyal. »« Je suis sûr qu'il est loyal. Je le crois aussi. Je ne puis dire plus, sinon que je le crois. »« Répondrez-vous à votre mère ?»« Oui. Et puis-je demander à Florence de venir ?» Quand on est engagé ensemble, il vaut mieux être près l'un de l'autre. Demandez-le lui si vous voulez, mais je ne crois pas qu'elle vienne. Elle viendra si elle suppose qu'il y a chez lui quelque chose qui n'aille pas. Cécile écrivit immédiatement à Florence dans les termes les plus pressants. « Je vous dirai toute la vérité, » disait-elle. « Nous ne l'avons pas encore vue, ce qui, comme vous le pensez bien, nous a fort troublés. Je suis très sûr que si vous étiez ici, il viendrait chez nous. Et cette seule considération, à défaut d'autres, doit suffire pour vous faire venir. Théodore se figure que c'est simplement paresse, et qu'à cause de cela il a honte de se montrer. Peut-être aussi a-t-il quelques affaires et embarras de famille, dont nous ne sommes pas informés. Mais si cela était, il importerait que vous le suciez, et vous présente, je suis bien certaine, qu'il vous le dirait. » Elle ajouta beaucoup d'autres choses, toujours pour presser Florence de venir à Londres. M. Burton ne répondit pas tout de suite à sa mère, mais il envoya à Harry le billet suivant. « Adelphi, mai 1860 et quelques. Mon cher Clavrine, j'ai remarqué avec chagrin votre absence du comptoir, et Cécile et moi sommes peinés que vous ayez cessé de venir chez nous. Mais n'ayant pas à me mêler de vos affaires, je ne vous aurais pas écrit sur ce sujet si j'avais eu besoin de vous parler relativement à ma sœur. Comme ce que j'ai à vous dire ne peut guère s'écrire, je vous demanderai un rendez-vous ici ou à ma maison. Si cela vous est impossible, dites quand je pourrai vous trouver chez vous. Ce qui nous plairait davantage serait que vous vinssiez dîner avec nous le jour où cela vous sera le plus commode, demain, après-demain, ou le jour suivant, le plus tôt sera le mieux. Votre, etc., Théodore Burton. » Quand Florence reçut la lettre de Cécile, un autre jour s'était écoulé sans apporter de lettre de Harry. Alors elle sentit le cœur lui manquer. « Eh bien, mon enfant, » lui dit sa mère, qu'il avait observé avec anxiété pendant qu'elle lisait la lettre. Mrs. Burton n'avait pas parlé à Florence de la lettre qu'elle avait elle-même écrite à son fils. Faute de réponse de lui, elle espérait trouver quelque lumière dans la lettre de sa bru. « Cécile voudrait me voir à Londres, » dit Florence. « Y a-t-il donc quelque chose qui demande votre présence ?»« Pas précisément, mais vous n'avez qu'à lire la lettre, ma mère. » Mrs. Burton lut avec réflexion et fut certaine que la chose était sérieuse. Elle comprenait que Cécile n'avait écrit ainsi que sous l'impression d'une vive inquiétude. Au premier abord, elle pensa aller elle-même à Londres. Elle avait hâte de connaître la vérité, hâte d'être à même de jeter son cri maternel si quelque injure menaçait sa progéniture. Qu'elle menât ou non Florence avec elle, elle voulait se trouver, elle personnellement, sur le théâtre de l'action. Elle se sentait capable d'écraser de ses regards et de sa parole l'homme assez osé pour se mal conduire envers une enfant à elle. « Eh bien, maman, qu'en pensez-vous ? Je n'en sais rien encore. » Il faut que j'en parle à votre père avant le dîner. » Mais Florence, qui connaissait sa mère pour passablement autocratique dans le gouvernement de ses filles, comprit bien que ce besoin de consultation n'était qu'un prétexte pour se donner le temps de la réflexion. « Ce n'est pas que j'ai envie d'aller à Londres pour le plaisir d'y aller, ma mère. Je le sais bien, ma chère. Ce ne serait pas même pour le voir, bien qu'à coup sûr, je désire le voir. Et comment ne le désireriez-vous pas ? Mais Cécile est très prudente et elle a sans doute ses raisons pour m'engager à venir. Et elle ne m'y eût pas engagé si Théodore n'eût été du même avis. Je croyais que Théodore m'aurait écrit. Théodore écrit si rarement. J'attendais une lettre de lui parce que je l'avais écrit. Au sujet de Harry, voulez-vous dire ? Oui. Je ne vous en avais pas parlé de peur de vous inquiéter, mais j'ai vu que vous étiez malheureuse de ne pas entendre parler de lui. Oh, maman, laissez-moi partir. Sans doute, vous irez si vous le voulez, mais laissez-moi parler à votre père avant de rien décider. Mrs. Burton parla à son mari et il fut décidé que Florence irait à Hounslow Crescent. Mais Mrs. Burton, bien qu'elle eût toujours été très autocrate vis-à-vis de ses filles, ne l'était pas du tout devant son mari. Quand elle lui témoigna le désir qu'elle avait d'accompagner Florence, elle vit qu'il n'approuvait pas ce projet, et il n'en fallut pas davantage pour le lui faire abandonner. « On croirait que vous avez peur. Et après tout, qu'y a-t-il de si grave ? Un jeune homme reste 2 ou 3 semaines sans écrire à sa fiancée la belle affaire. Moi, dans mon temps, je me serais cru le plus tendre amant du monde si j'avais écrit une fois par mois. » On n'avait pas alors la poste tous les jours, Monsieur Burton. Et j'aimerais autant qu'on ne l'eût pas, répliqua Monsieur Burton. La chose étant ainsi péremptoirement réglée, Florence répondit à sa belle-sœur, annonçant son départ pour Londres sous 3 jours. Pendant ce temps, Harry Clavering et Théodore Burton s'étaient vus. Est-il jamais arrivé à aucun de ceux qui liront ces pages, aux célibataires bien entendu, d'avoir à passer 3 ou 4 jours à Londres, sans quoi que ce soit à faire, sans autre compagnie que soi-même, et d'avoir en outre de ce fardeau sur les épaules celui d'une anxiété terrible, écrasante, sans issue apparente, ni nul moyen de s'y soustraire. Telle était la situation de Harry Clavering pendant les quelques jours qui suivirent son entrevue avec Lady Ongar. Et je demanderai à cet honnête lecteur, non marié, s'il ne lui est pas arrivé en telle circonstance de souhaiter la mort, comme le seul moyen de sortir d'embarras. Dans ce cas-là, un homme se promènera tout seul par les rues, déclarant qu'en ce bas monde tout est mauvais, corrompu, ignoble. Il souhaitera d'en être délivré et balancera les avantages et les inconvénients du pistolet ou de l'acide prussique. Il dînera bien exactement à son club, fumera son cigare, boira son bitter ou son eau-de-vie coupée, mais sans perdre un instant le désir d'être mort ni interrompre ses méditations sur le meilleur moyen d'arriver à ce résultat. Telle était à l'heure présente Harry Clavering. Allé à son bureau, la porte lui en était fermée par la crainte d'y trouver Théodore Burton. Voulait-il lire ? Il lisait sans comprendre et jetait le livre au bout de 10 minutes. Nulle occupation ne lui était possible. Il avait envie de retourner dans Bolton Street et n'avait pas assez de résolution pour cela. Une fois là, il eût bien fallu faire comme s'il eût pour jamais renoncé à Florence. Agir ainsi, c'était se couvrir d'infamie. Et pourtant, il avait juré à Julie que telle était son intention. Il n'osait pas même se demander laquelle des deux il aimait. La pensée même d'être aimé n'était pour lui qu'une amertume de plus. De tous côtés, il ne voyait que regrets, chagrins, remords. Ce fut dans cette disposition qu'il reçut la lettre de Théodore Burton. Il comprit qu'il ne pouvait se dispenser de voir celui qu'il avait écrite. Rien ne pouvait être plus désagréable pour lui que cette entrevue. Mais il y aurait eu lâcheté à la refuser. Une querelle personnelle avec Burton n'avait rien qui l'effrayât. Au contraire, il eût trouvé du soulagement à décharger sa mauvaise humeur sur quelqu'un. Mais avant d'accepter cette entrevue, il fallait que sa résolution fût prise, qu'il eût opté entre Florence et Julie, et il ne se sentait pas plus le cœur de renoncer à l'une qu'à l'autre. Il venait, par un mouvement spontané, de s'engager envers Julie. Il lui avait juré d'être tout à elle, et bien qu'elle n'eût pas accepté sa parole, il savait, du moins il croyait savoir, qu'elle y comptait. Et d'ailleurs, elle était la première en date à qui il lui jurait amour. Dans cette alternative, il se rendit dans Bolton Street, où il apprit que Lady Ongar était absente pour 3 ou 4 jours. On croyait qu'elle était allée à l'île de Wight et qu'elle avait emmené Madame Gordeloup. Elle devait revenir en ville dès les premiers jours de la semaine suivante. On était alors au jeudi, et Harry vit bien qu'il ne pouvait remettre son entrevue avec Burton jusqu'après le retour de Julie. Il alla donc à son club, et se clouant, pour ainsi dire, de vive force à la table à écrire, il donna le rendez-vous pour le lendemain matin. Il serait à midi à la Delphi. De pénibles préoccupations l'avaient jusque-là empêché de s'y rendre, ainsi qu'à Hounslow Crescent. Ce billet écrit, il joua au billard, puis fuma jusqu'au dîner. Après dîner, il joua encore au billard, fuma et but, puis se retira quand vint l'heure. Rien de tout cela n'était dans ses habitudes, mais son chagrin lui faisait un besoin de l'excitation, et mieux valait fumer et jouer au billard que se désoler dans la solitude. Le lendemain, il ne déjeuna qu'à 11 heures. Pourquoi se lever? Pourquoi secouer ses demi-torpeurs qui l'empêchaient de sentir? Il ne voulait pas penser à son entrevue jusqu'au moment de prendre son chapeau. Mais vint l'heure de prendre son chapeau et il se mit en route pour ce court trajet. Même en marchant, il tâchait de ne pas penser. Son but arrêté, comme un navire sans gouvernail, il ne pouvait qu'aller où le vent le pousserait. Combien il se mépriserait pour sa faiblesse, et à peine faisait-il un effort pour la surmonter. Il n'y avait qu'un point sur lequel il se sentait bien résolu. Si Burton ne se permettait rien qu'il sentît la menace, il le relèverait à l'instant même. Au coup de midi, il entrait dans les bureaux et on lui dit que M. Burton était dans son cabinet. « Bravo, Clavering !» dit Walker, qui se tenait debout le dos tourné au feu. « Nous vous avions cru perdu à jamais, et vous voilà revenu. » Harry n'avait jamais aimé cet homme, et en ce moment il le haïssait. « Oui, me voilà, » dit-il, pour quelques minutes, « mais ce n'est pas la peine de vous déranger. »« Très bien, mon vieux, » dit Walker, et Harry entra dans le cabinet. « Je suis bien aise de vous voir, Harry, » dit Burton en se levant et lui tendant cordialement la main. « Je suis fâché d'apprendre que vous avez été tourmenté. Est-ce quelque chose en quoi nous puissions vous être utiles ?»« J'aime à croire que Mrs. Burton va bien, » dit Harry avec quelque hésitation. « Pas mal du tout. Et les enfants ?»« Très bien. Ils disent que vous êtes méchant de ne pas venir les voir. »« C'est bien possible que je sois méchant, » dit Harry. « Croyez-vous, Harry ?» Il vaut mieux en venir tout de suite au fait, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose qui aille mal entre vous et Florence? Qu'entendez-vous par là? Ce que j'appellerais mal, affreusement mal, serait qu'après tout ce qui s'est passé entre vous, vous puissiez l'un ou l'autre douter de votre affection réciproque. Si ce doute venait d'elle, je la renierais presque pour ma sœur. Vous n'aurez jamais à rougir pour elle, je le crois. Grâce à Dieu, nous n'avons jamais eu à rougir. Et j'espère, Harry, que mon cœur n'aura pas non plus à saigner pour elle. Allons, Harry, laissez-moi vous parler en toute franchise. Je hais les secrets et les faux fuyants. Le bruit est venu aux oreilles de nos parents, pas de Florence, entendez bien, que vous étiez infidèle à Florence et passiez votre vie chez cette dame qui est belle-sœur de votre cousin. Qu'a-t-on à s'enquérir de la manière dont je passe mon temps? N'équivoquez pas, Harry, si vous me dites simplement que vos visites chez cette dame n'ont rien dont ma sœur puisse s'alarmer. Je vous sais homme d'honneur, et votre parole me suffira. » Il s'arrêta, et voyant que Harry hésitait à répondre, « Faisons mieux, mon ami, mon frère, car nous vous tenons pour tel. Rendez-nous à Onslow Crescent. Embrassez les moutards. Embrassez aussi Cécile. Mettez-vous à table avec nous. Causez comme vous le faisiez, et je ne vous ferai nulle question, ni Cécile non plus. Vous reprendrez votre travail, et vos troubles d'esprit cesseront, et votre âme se sentira à l'aise. Vous aurez, pour vous adorer, une des meilleures filles qui ait jamais donné à un homme son cœur à garder, et quiconque dira un mot contre vous, quand vous aurez le dos tourné, ne sera plus ni son frère, ni sa sœur, ni son ami. » Et c'était là l'homme qu'on avait vu épousser ses bottes avec son mouchoir de poche, et dont, pour cette raison, Harry avait douté de pouvoir jamais se faire un ami. Il découvrait dans cet homme la noblesse, la bonté, la générosité, la loyauté, et il comprenait enfin que Burton ne faisait que s'acquitter de son devoir de frère. Mais tout cela ne lui rendait pas la réponse plus facile. « Dites que vous viendrez ce soir, » continua Burton. « Si vous avez un engagement, dégagez-vous-en. »« Je n'en ai pas, » dit Harry. « Alors dites que vous viendrez, et tout sera bien. » Accepter cette invitation, c'était dire qu'on était d'accord. Harry le comprit. Il était si facile d'accepter, et si difficile de trouver une autre réponse. Néanmoins, il ne put prendre sur lui de faire ce mensonge implicite. « Burton, lui dit-il, je suis dans une grande perplexité. Pourquoi donc ?» La voix de Burton était toute changée et l'expression de ce regard aussi. Ce n'était pas de la colère, pas encore du moins, mais la douceur de sa physionomie avait disparu. Une douceur qui n'était pas habituelle chez lui, mais qui était à ses ordres au moment opportun. « Je ne puis vous dire tout cela à présent. Si vous me permettez d'aller chez vous ce soir, je vous dirai tout, bien certainement. Viendrez-vous dîner avec nous? Non, après dîner, quand les enfants seront couchés. » Il partit, laissant Théodore sous l'impression qu'il y avait sans doute quelque chose de fâcheux, mais du moins que les craintes de Mrs. Burton la mère, à l'endroit de Lady Ongar, étaient sans fondement.